Lecture du livre des Nombres, chapitre 7. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit 1 char pour 2 princes et 1 bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends de ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur à Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehath, parce que, selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles, 1 bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, 1 coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfum, 1 jeune taureau, 1 bélier, 1 agneau d'un an pour l'holocauste, 1 bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethaneël, fils de Tsuar, prince d'Issacar, présenta son offrande. Il offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles, 1 bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, 1 coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfum, 1 jeune taureau, 1 bélier, 1 agneau d'un an pour l'holocauste, 1 bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nethaneël, fils de Tsuar. Le 3e jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles, 1 bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, 1 coupe d'or de 10 sicles pleine de parfum, 1 jeune taureau, 1 bélier, 1 agneau d'un an pour l'holocauste, 1 bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Elitsur, fils de Chedéur, offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles, 1 bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande,

deux bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Enan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Enan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on l'oignit. 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. Les 12 coupes d'or pleines de parfum à 10 cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel.